Isanganiro. Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes dimanche 2 octobre 2016. En voici les grands titres. Criminalité en province de Ruyigui. Deux personnes ont été tuées ce week-end. L'une est une femme tuée par son mari et l'autre un homme tué par son fils. Nous entendrons le reportage de notre correspondant Jean-Claude Chimiliman, dès le début de ce journal. Et le mouvement Kiro Burundi a mené différentes activités durant la période du 21 septembre à ce dimanche 2 octobre. Ces dates correspondent respectivement à la journée internationale pour la paix et à la journée internationale pour la non-violence. Objectif pour Kiro Burundi, sensibiliser l'opinion sur la valeur et la dignité de l'homme qui dépasse toutes les appartenances partisanes. Et la planification familiale incombe aussi à l'homme. C'est à travers cet appel que le directeur de la planification de la santé et la reproduction a montré que les Burundais n'ont plus de choix que d'adhérer au planning familial. Il l'a dit ce vendredi à Kayanza lors de la célébration de la journée internationale de la contraception. Et en actualité internationale, la Hongrie appelle ses citoyens à se présenter aux urnes ce dimanche pour un référendum anti-réfugiés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, le journaliste et technicien Gide Mnemiro de la radio publique africaine RPA est désormais libre de ses mouvements et a déjà rejoint sa famille. Il a été libéré de prison après son incarcération de plus d'une année à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il avait été d'abord arrêté à Uvira avant d'être transféré à Kinshasa en passant par d'autres maisons de détention pour de courts séjours. Je venais de vous le dire, deux personnes ont été tuées ce week-end en commune Butaganzwa de la province Ruyigui et une est une femme tuée par son mari et une autre est un homme tué par son fils. Les mobiles de ces assassinats restent inconnus, mais les bourreaux se trouvent déjà dans les mains de la police, comme nous le rapporte notre correspondant Jean-Claude Nchimiliman. Une femme nommée Shazia Wachawaseme, habitant la colline Vassi en commune Butaganzwa de la province Ruigi, a été battue à mort à coups de machette par son mari, Nestor Misago, dans l'après-midi de ce samedi, selon des informations fournies par certains des habitants de cette colline. Comme Nestor Misago, qui est militaire au sein de la FDN, s'est enfermé dans sa maison juste après le forfait, de peur qu'il soit à son tour assassiné par certains des gens de la localité qui voulaient se venger. Il a été tiré de cette maison par des policiers qui l'ont directement conduit au cachot du commissariat de police. Les mobiles de cette tuerie ne sont pas encore connus, mais ce qui est sûr, le militaire avait souffert pendant un moment d'une trouble mentale, selon les mêmes sources. Une deuxième victime est un certain Simeon Taïseye de la colline Rugongo, qui a succombé ce samedi au lit de l'hôpital de district de Butezi, au coup des blessures lui infligées dans la nuit de ce vendredi par son fils, Gracien Daroufatié. Selon des sources sur place à Lugongo, les mobiles de cette querelle mortelle ne sont pas encore connus, mais Gracien Dalfatié aurait agi en connivence avec sa mère et les deux se trouvent depuis ce samedi au cachot du commissariat de police à Ruyigui. Nous avons voulu savoir si les responsables administratifs auraient une quelconque information au sujet de ces assassinats, mais l'administrateur de la commune Butaganzwa, Fabien Tarsis et Nukamazina, nous a répondu qu'il ne peut rien nous dire sur téléphone, arguant s'il ne nous connaît pas. Jean-Claude Nchimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Une personne est morte foudroyée, trois autres blessées dans la nuit de ce samedi à dimanche suite à une forte pluie mêlée de grêle qui a même endommagé des bananeraies sur la colline Gitumba en commune Mugina de la province Chibitoke. Nos sources précisent que ces personnes étaient en plein culte dans une église. La personne humaine revêt une valeur et une dignité qui dépassent les appartenances ethniques, politiques ainsi que les associations et autres alliances. C'est dans cet esprit que Kiro Burundi, en partenariat avec l'ONG EIREN Grand Lac, a organisé une série d'activités pour commémorer deux journées importantes, à savoir le 21 septembre, journée internationale pour la paix, et ce dimanche 2 octobre, journée internationale pour la non-violence. Évariste Nimona, secrétaire exécutif de Kiro Burundi, explique le sens des activités menées durant la période séparant ces deux dates. Il est au micro de Didier Nyonzima. Nous avons organisé une campagne de sensibilisation pour la paix et la non-violence. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des défis dans notre pays à relever. Et l'Akiro est venu comme une structure qui veut faire sa contribution, a envie d'asseoir cette épée qui est presque, je dirais, lacunaire dans notre pays. Au terme de ces activités, y aurait-il un impact quelconque que vous avez remarqué après vos activités? D'après les échanges qui ont eu lieu, notamment les ateliers sur les droits de l'homme et la paix qui ont été effectués dans les diocèses de Gitega, Bujumbura et Bururi, les Kiro ont pu sortir certains éléments qui font que la situation sécuritaire reste un élément à promouvoir. Les responsables qui ont pu relever les différents défis qui font que la paix reste un élément incontournable. Et ils ont pu nous dire quel rôle ils peuvent jouer, leur positionnement au niveau de la communauté par rapport à cette situation d'insécurité, à cette situation de méfiance qui est due à la divergence d'opinions, d'opinions politiques, d'opinions de croyances, ainsi de suite. Nous avons vu qu'ils ont fait des engagements qui vont dans le sens de se ressaisir, qui vont dans le sens de changer leur comportement en vue d'arriver à une société paisible. Et le représentant légal de l'Association des jeunes pour la non-violence active appelle tous les citoyens à lutter pour la non-violence. Alors que ce dimanche, le monde célèbre la Journée mondiale pour la non-violence. Jean Douiman indique que la violence est un phénomène qui s'est amplifié dans le pays depuis que le président Nkurunziza a annoncé sa candidature à la présidence. Jean Douiman a en outre rappelé que seul le dialogue entre les composantes de la société est la solution efficace. Suivez-le. Dialogue entre les composants de la société et la solution efficace pour la stabilité. C'est la non-violence qui est la solution, qui est la base de tout le développement. C'est la non-violence qui est la base de la construction de la société qui a été déchirée durant tous les temps de crise que le Burundi a connu. C'est pour cette raison, à l'occasion de cette journée internationale de la non-violence, nous lançons un appel félicitant à tous ceux qui se chamaillent aujourd'hui, notamment le gouvernement du Burundi et ceux qui ont pris le chemin de l'exil, de s'asseoir ensemble pour trouver une issue favorable à la question qui les oppose. Vraiment, nous lançons un appel félicitant aux leaders de ce pays de faire un examen de conscience, de faire une introspection afin de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour que la paix revienne. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour que le développement soit une qualité dans notre pays? Faire le dialogue avec ce qui perturbe la paix est très nécessaire. Et les habitants de la colline Kagwema en commune Gihanga de la province Bubanza et ceux de Nyamitanga en commune Buganda de la province Cibitoke ont passé une nuit cauchemardesque suite aux tirs nourris qui ont été entendus vers 20h sur l'axe Bujumbura-Lugombo. Au cours de cette nuit, précisément dans la localité communément appelée Muheto, sur la frontière entre ces deux communes, les sources administratives et militaires indiquent qu'il s'agissait d'un groupe d'hommes armés qui avait l'intention de tendre une embuscade aux véhicules qui étaient de passage. Les militaires sont vite intervenus et aucun dégât n'a été enregistré. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les hommes doivent s'impliquer activement dans la planification familiale pour arriver à de bons résultats. Cet appel a été lancé ce vendredi à Kayanza lors de la célébration de la Journée internationale de la contraception. Selon le directeur du Programme national de la santé et reproduction, les Burundais n'ont plus de choix. Ils doivent adhérer au planning familial avant qu'il ne soit tard. Joseph Sabiyabandi nous fait le point. Les familles burundaises sont généralement très nombreuses. Cela est d'autant plus vrai qu'en moyenne, une femme donne naissance à 6 enfants. Cela cause énormément de problèmes de survie, notamment dans les provinces comme Kayanza, qui enregistre la densité la plus forte du pays, nous indique Dr Juma Ndereye, directeur du Programme national de la santé et reproduction. En Afrique subsaharienne, la moyenne de la densité de la population dans d'autres pays, elle est de 35 habitants par kilomètre carré. À Kayanza, nous sommes déjà à 659 habitants par kilomètre carré. C'est 20 fois plus que la densité moyenne de l'Afrique. Et donc ça, c'est un problème. Et dans certaines communes de Kayanza, comme dans la commune Kayanza et dans la commune Gatara, on est déjà aux environs de 990 habitants par kilomètre carré. On est en train d'avoisiner les 1000 habitants par kilomètre carré. Cela n'est pas vivable parce que les hommes, pour vivre, ils doivent être en équilibre avec les ressources de l'environnement dont ils dépendent pour leur survie. Le responsable du PNSR interpelle les hommes autant que les femmes qu'ils doivent planifier leur naissance. Ils doivent adhérer à la planification familiale. C'est de plus une option pour eux, mais c'est une question de survie, une question de vie ou de mort. Parce que si nous traînons les pattes, demain ce sera trop tard. On est déjà à Kayanza, dans certaines communes, à 990 habitants au kilomètre carré. Demain, ils n'auront même plus de quoi manger et ça sera dramatique. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'ils commencent à travailler pour qu'ils puissent laisser leurs fils et leurs petits-fils dans des conditions qui leur permettent de vivre en harmonie avec l'environnement. Le but ultime du planning familial prôné par les autorités burundaises est que d'ici 2025, aucune famille ne doit dépasser 3 enfants. Merci Joseph. Les enfants vivant dans la rue au chef-lieu de la province Muyinga ne se sont pas pliés à la mesure de l'administration les chassant de force. Après une interpellation par la police de 70 enfants mardi, la quasi-totalité ont rejoint la rue malgré l'ultimatum de l'administration les obligeant de retourner sur leur colline. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Zeyman. 96 enfants vivant dans la rue ont été clairement identifiés par l'organisation de défense des droits de l'enfant au chef lieu de la province Muyinga. Pour lutter contre le phénomène d'enfants de la rue, l'administration à Muyinga a décidé de renvoyer de force les enfants de la rue vers les collines d'origine. Mardi, 70 jeunes de la rue ont été arrêtés par la police dans la petite matinée. L'identification terminée, l'ultimatum a été donné à ces personnes de rejoindre chacune sa colline d'origine. D'après des sources policières, le déplacement était même garanti pour ces originaires des contrées lointaines du chef lieu de Muyinga comme Gasogwe. Certains de ces enfants, de père des bastonnades, ont faim de rentrer chez eux pour regagner la rue le lendemain. Certains de ces enfants croisés à la première avenue du quartier Swahili, où ils se rassemblent normalement pour les jeux d'Yazal, ce samedi, ne mâchent pas les mots. La violence utilisée pour les chasser de la ville n'est pas du tout dissuasive. Lambert Minani, conseiller technique de l'administrateur de la commune de Muyinga sur des questions sociales, parle d'une interpellation qui visait principalement de les prodiguer des conseils. Pour Aniel Ouizela, représentant l'organisation AJVD, membre de la synergie des ONG de défense des droits de l'enfant à Muyinga, utiliser la force pour lutter contre le phénomène d'enfants de la rue est contre-productive. Cette synergie a une autre démarche. Identifier ces enfants, repérer les familles d'origine leurs problèmes et accompagner par chacun de ces enfants individuellement vers la famille d'origine ou encore vers un ménage d'accueil. Dieudonné Zeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous pouvez nous suivre aussi au pays et partout ailleurs dans le monde. Dans l'actualité internationale, la Hongrie appelle ses citoyens à se présenter aux urnes ce dimanche pour un référendum anti-réfugiés. En RDC, lors de la plénière du dialogue politique, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ne s'est pas avancé sur des dates pour les prochains scrutins présidentiels, législatifs et les élections provinciales. Enfin, le président turc Erdogan s'est montré visiblement à bout de patience devant la longueur du processus d'adhésion à l'Union européenne. C'était lors d'un discours au Parlement. Les détails avec Rubé Ringabo Gildas. À Hongrie, les 8 millions d'électeurs sont ainsi appelés à répondre à la question « Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois à Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois ?» Selon le site web Le Monde, le Premier ministre Viktor Orban demande aux électeurs de voter pour le non pour envoyer un message à chaque Européen, leur dire que cela dépend d'eux, les citoyens européens de ramener à la raison avec un effort commun ou de la laisser se désintégrer. RDC, selon une estimation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'enregistrement des électeurs s'achèvera le 31 juillet 2017. À partir de cette date, il faudrait compter 504 jours pour accomplir le processus menant aux élections couplées, la présidentielle, les législatives nationales et les provinciales, ce qui reporterait la tenue des élections à la fin de l'année suivante, soit en 2018. Comme on le lit sur le site web de la RFI, un groupe de travail réunissant essentiellement l'opposition et la société civile planche sur les propositions de la CENI. Sa tâche est de faire des propositions de date pour les futures élections ainsi que pour l'accord politique qui doit déboucher sur la formation des nouveaux gouvernements. Et enfin, en Turquie, cette petite phrase prononcée hier par le président turc Erdogan forme bel et bien un avertissement. On est arrivé à la fin du jeu, visiblement à bout de patience devant la longueur du processus d'adhésion à l'Union européenne. Lors d'un discours au Parlement, Recep Erdogan a mis en demeure l'Union européenne de se prononcer clairement pour ou contre l'adhésion de son pays. Comme on le lit également sur le site web de la RFI, l'ambiguïté c'est aussi d'une nette majorité des pays de l'Union européenne dont les dirigeants se disent favorables à l'adhésion de la Turquie, perspective pourtant rejetée par près de 70% de leurs concitoyens. Gildas Rouveringabo, ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Criminalité en province de Rouyigui. Deux personnes ont été tuées ce week-end. L'une est une femme battue à mort par son mari et l'autre est un homme tué par son fils au cours d'une bagarre entre eux. Et le mouvement Kiro Burundi a mené différentes activités durant la période du 21 septembre à ce dimanche 2 octobre. Ces dates correspondent respectivement à la journée internationale pour la paix et à la journée internationale pour la non-violence. Objectif, sensibiliser l'opinion sur la valeur et la dignité de l'homme qui dépasse toutes les appartenances partisanes. Et la planification familiale incombe aussi à l'homme. C'est à travers cet appel que le directeur de la planification nationale de la santé et de la reproduction a montré que les Burundais n'ont plus de choix que d'adhérer au planning familial. Dr Juma Ndereye l'a dit ce vendredi à Kayanza lors de la célébration de la journée internationale de la contraception. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Mise en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Une bonne journée dominicale. Au revoir.